issu d'un peuple averti. Prends le relais dans un monde perverti. C'est réparti parmi les cieux, trois pour l'homme. Soit la somme du corps, de l'esprit, de l'âme. La rue nous a été donnée pour domaine. À chacun son langage propre. Rares se comprennent, preuve de la malédiction descendue sur Babel. Chacun pour soi dans l'éphémère. Et l'éternel pour tous ceux qui ont foi en sa bénédiction. Nos récits, trop souvent incompris, non pas pour notre mauvaise diction. Ceux dont les yeux n'ont vu de la vie que distraction diront que notre science est fiction. Leur vision reste étroite comme le panorama d'un pénitent. Aussi restreinte que la tolérance d'un extrême droite militant. La vérité reste la vérité. L'esclavage en Afrique a été cautionné par le Vatican. Mais on reste pratiquant, délinquant. Jean Pieux se mêle à nos rangs. Issu d'un peuple averti, prend le relais dans un monde où les pervertis oublient que l'air et l'eau plus que l'or sont précieux. Croient avoir le contrôle de la terre et des cieux dans leur vanité. Se prennent pour des divinités. Ne voient-ils pas le nom de leur seigneur calligraphié près de leur lobe? Juste quoi méditer. Averti, prends le relais dans un monde perverti. C'est réparti parmi les cieux, droit pour l'homme. Soit la somme du corps, de l'esprit et de l'âme. Avertisseur, averti, prends le relais dans un monde où les pervertis oublie que l'air plus que l'or est précieux. Crois avoir le contrôle de la terre et des cieux. Je suis pas né dans le ghetto, je suis né à l'hosto. Loin des stupes et des idées stupides. Putain, ce que je suis devenu. Un crève l'oseille, le shit, adouci le choc. Gros sans but de chèque, un parasite en shit libre sans parachute. Ça commence à faire long, qu'on est tout petit, je m'enlise. Et maintenant, je pleure des larmes alcoolisées. Cool, mais y'a pas de bruit pour les babouins, c'est la crise. La lésion, dans ma région. Une graine de café, un gars il croque, il nous en faut peu. Un CAP, puis vendre la dope. Faut pas que la justice te fout droit. Fais ton chemin bien, tu choisisses le mauvais ou le droit. M'en fous, moi, c'est ça pour nous. Faut viser le top avant le fourneau ou le fourgon, on en fait trop. À n'importe quelle boîte, on sculpte. Y'a plus que des buts, c'est tout quelconque, et suce n'importe quel beat. J'avoue, sur les prières, j'étais radin, faut que tu me rattrapes. Je défonce les portes du paradis, parce qu'ici, les soucis sont fermes, y'a pas de sursis. Les juges ont des cornes, et le crime souvent en cornet. Averti, prends le relais dans un monde perverti. C'est réparti parmi les cieux, droit pour l'homme. Soit la somme du corps, de l'esprit et de l'âme. Avertisseur, averti, prends le relais dans un monde où les pervertis oublie que l'air plus que l'or est précieux. Crois avoir le contrôle de la terre et des cieux. Lunatique, avertisseur, comme mes prédécesseurs. Je porte le teint depuis la naissance et ce jusqu'au décès. Jamais pressé, lâche un seul texte, la population vexée. Jalousie à l'excès, les langues de serpents se délient. Ravale ton venin, nos destins tracé à ce qu'on dit dans chacune de nos paumes. Ne pas quitter, c'est pas mon paumé. Mais avec la foi, ce qu'on espère avoir tracé en fin de ligne. Pour le présent, nos psaumes récités par nos mots de cité à cité. Ne vois-tu pas se succéder les signes des âmes jusqu'à nos corps, mon bras, jambes, jambes, bras, tête légués par le plus grand de passage sur cette sphère. Planète Terre serre les rangs frères, issus de graines africaines errant à travers un décor d'illusions. Éden est la destination. Reprends mes repères dans une vallée parsemée de rouge, de noir et de vert. Avertissement, plus qu'un divertissement.